الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، chers auditeurs, nous continuons l'étude de ces hadiths sur la croyance et le suivi mentionnés par le grand savant, le Cheikh Rabi' ibn Hadi Umayr al-Madkhali hafidhahullah ta'ala, dans son livre intitulé Mudhakkiratul Hadith al-Nabawi fi al-Aqidah wal-Ittiba'. Nous en sommes aujourd'hui au 12e hadith qui concerne un sujet d'une grande importance qui n'est autre que la défense de la voie prophétique. Ce hadith nous est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ce noble compagnon dont nous avons déjà parlé lors de l'explication du 5e hadith. Il rapporte donc du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la parole suivante. « Ma min nabiyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab. » Il n'y a pas un prophète envoyé par Allah dans une communauté avant moi, sans que celui-ci n'ait eu au sein de sa communauté des apôtres, c'est-à-dire des gens qui le soutiennent, qui sont proches de lui, parmi ses bien-aimés, et des compagnons. يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ Il suivait sa sunna, il suivait sa voie, il suivait sa tradition. وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ Et se conformait à son commandement. ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ Puis, leur ont succédé de mauvais successeurs. Quelles sont leurs caractéristiques? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ » Ils disaient ce qu'ils ne faisaient pas. « وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ » Et ils faisaient ce qui ne leur avait pas été ordonné. C'est-à-dire qu'ils instauraient des choses nouvelles en religion ou transgressaient les ordres qui leur avaient été adressés en désobéissant. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous décrit cette situation concernant les communautés précédentes. Puis ensuite, c'est comme s'il faisait directement allusion au fait qu'il en est de même concernant sa communauté. Car en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des compagnons, radiyallahu anhum, qui étaient fermement attachés à sa sunna, qui suivaient sa voie, se conformaient à ses commandements. Puis après eux, sont venus des gens qui ont instauré des choses nouvelles en religion. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ensuite, « فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ » Celui qui lutte contre celui qui les combat par sa main, c'est un croyant. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ Celui qui lutte contre celui qui les combat par sa langue, c'est un croyant. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ Et celui qui lutte contre qui les combat par son cœur, c'est un croyant. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ Et après cela, il n'y a pas un grain de moutarde de foi. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim ainsi que l'imam Ahmad, rahimahum Allah ta'ala. Donc comme vous l'avez entendu, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de la situation des prophètes et des communautés avant lui. Et que les prophètes qui l'ont précédé avaient au sein de leur communauté des soutiens, des apôtres, des gens proches qui les soutenaient. Et ils avaient des compagnons qui s'éclairaient par la lumière de la prophétie, en s'attachant fermement à la voix de leur prophète, tout en étant sincères et fidèles envers leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala, aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Leurs paroles étaient en adéquation avec leurs actes. Ils ne prétendaient pas des choses qu'ils ne faisaient pas. Et après eux, sont venues des générations que le diable a fait dévier de la voix des prophètes et des messagers, alayhim salatu wassalam. Et parmi les caractéristiques de ceux qui se sont opposés à la voix prophétique, il y a le fait qu'ils prétendent, par leurs paroles, suivre la voix des prophètes. Mais leurs actes contredisent cette prétention. Car en réalité, ils instaurent des choses nouvelles en religion. Ils suivent des voies déviantes, contraires à la voie des prophètes, alayhi mussalatu wassalam. Ils commettent des choses blâmables, des péchés, des choses interdites en religion, faisant ainsi d'eux, parmi les gens, les plus éloignés de la voie des prophètes et des messagers, alayhi mussalatu wassalam. Et parmi leurs plus grandes caractéristiques également, l'opposition apparente entre leurs paroles et leurs prétentions en comparaison à leurs œuvres et leurs actions. Mais dans chaque communauté, il y a eu des savants sincères, fidèles à leur religion, qui ont lutté et fait de grands efforts pour préserver les enseignements de leurs prophètes, chacun en fonction de ses capacités et de son degré de foi. Certains ont lutté par leurs mains, d'autres ont lutté par leur langue, et d'autres ont au moins lutté par leur cœur en réprimandant le mal et en le détestant, et ceci est le minimum exigé par la foi. Et il est arrivé à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la même chose qu'il est arrivé aux communautés précédentes. Après les générations privilégiées, ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié comme étant les meilleurs des gens. Les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Après cela sont apparus de mauvais successeurs. Des gens qui ont suivi des sentiers s'opposant à la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été divisés et dispersés par nombre de passions qui les ont écartés et éloignés de la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les causes les ayant menés à cette déviation, il y a le suivi et l'assimilation aux communautés qui nous ont précédés, parmi les gens du livre et autres. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé, comme on l'a vu dans un autre hadith. Vous suivrez certes les voies de ceux qui vous ont précédés. Et ceci est apparent aujourd'hui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé cette division. Ceci fait partie des signes de sa prophétie. Car il a dit sallallahu alayhi wa sallam, cette communauté se divisera en 73 groupes qui seront tous au feu, à l'exception d'un seul groupe. C'est-à-dire qu'il y a un seul groupe qui est préservé et qui est sauvé de cette menace du feu de l'enfer. Et quel est ce groupe? Les compagnons, radiyallahu anhum, ont interrogé à ce sujet. Et ils ont dit, qui sont-ils aux messagers d'Allah? Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de dire, ils sont ceux qui sont sur ce quoi je suis aujourd'hui, moi et mes compagnons. C'est-à-dire ceux qui s'attachent fermement à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiyallahu anhum dans l'ensemble des domaines de la religion, à commencer par le domaine de la croyance, le domaine de la méthodologie al-manhaj, le domaine de l'adoration, mais également la conduite, le comportement, les échanges avec les gens et ainsi de suite. Et ce groupe appelé le groupe sauvé car il est sauvé de cette menace, en raison de son attachement à la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam, il perdurera et sera toujours présent jusqu'à la venue de l'heure. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé. Il a dit, il y aura toujours un groupe de ma communauté triomphant sur la vérité. Ne leur nuiront pas ceux qui les abandonnent, ni même ceux qui s'opposent à eux jusqu'à la venue de l'heure, c'est-à-dire jusqu'à l'approche de la venue de l'heure. Donc ce groupe est toujours présent au sein de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ils peuvent être plus ou moins nombreux en fonction des lieux et des époques. Mais ils resteront et seront toujours sur la vérité jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils appelleront à la vérité et au bien. Ils appelleront au suivi de la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils commanderont le bien. Ils interdiront le mal. Ils réfuteront et rejetteront les innovations et les ambiguïtés menant à l'égarement et ce, par les preuves et les arguments. Et ils persévéreront sur cette voie en luttant contre le faux en fonction de leur capacité que ce soit par la main par la langue ou par le cœur. Et ceci fait partie des signes de la perfection de la foi. Que la personne lutte pour la défense de sa religion et pour la défense de la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le croyant se doit de rester ferme sur cette voie, de rester ferme sur ce qu'a été le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Comme on a dit aussi bien dans le domaine de la croyance que le domaine de l'adoration, du comportement, et ainsi de suite parmi les domaines de la religion. Tu te dois de suivre la sunna de ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de te conformer à ses ordres, de t'y soumettre, de t'écarter du suivi des passions, des péchés, des mauvaises actions et des choses nouvelles en religion. Ceci est une obligation pour tout croyant. Et celui qui a fait cela, qui a connu la vérité, puis qui l'a mise en pratique, alors il la diffusera parmi les gens. Il propagera la vérité, invitera, autre que lui, au suivi de la vérité et à sa mise en pratique, chacun en fonction de ses capacités et ce, afin de secourir et faire triompher la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ce hadith, il renferme de nombreux bénéfices. Parmi eux, il y a le fait que l'ensemble des prophètes, alayhimu salatu wassalam, sont venus avec des législations dans le but de guider les gens à ce qui les mènera au bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Et quiconque recherche le salut pour sa personne, quiconque recherche à être heureux dans ce bas monde et heureux dans l'au-delà, alors il se doit de suivre la voie des prophètes alayhim salatu wassalam. Et tu dois être convaincu que toute voie, tout sentier, tout chemin, toute méthodologie contraire à ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une voie ou un chemin ou une méthodologie menant celui qui l'emprunte à la perdition. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Le deuxième bénéfice que l'on tire de ce hadith immense, c'est le mérite et la distinction des compagnons des prophètes et des messagers alayhim salatu wa sallam. Et leur mérite apparaît et ils se distinguent par leur fidélité et leur suivi de la voie de leur prophète et leur attachement à leur sunna. Et c'est pour cela que les meilleurs hommes de cette communauté, après notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ses nobles compagnons radiyallahu anhum. Et à leur tête, les quatre califes bien guidés, Abu Bakr al-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhum. Cela sont les quatre meilleurs hommes de la communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et viennent après eux les autres compagnons selon l'ordre mentionné par les gens de science dans leur mérite. Mais tu dois être convaincu que nul parmi ceux venus après eux n'est meilleur qu'eux. Car c'est eux qui ont assisté à la révélation du Coran. C'est eux qui ont appris la religion de la bouche du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont observé de leurs yeux. Ils l'ont vu devant eux et ont suivi son modèle et son exemple. Et après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fidèlement transmis sa religion à ceux venus après eux, aux tabi'oun, qui aussi font partie des meilleurs des hommes, qui ont ensuite transmis à ceux venus après eux, et ainsi de suite jusqu'à nos jours. Donc la religion ne nous est parvenue que par l'intermédiaire des compagnons, radiyallahu anhum. Ils ont donc un grand mérite pour cela, en plus de leur soutien et de leur compagnie au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. À partir de cela, tu comprendras pourquoi certains parmi les gens égarés et parmi les groupes déviants et à leur tête les chiites n'ont de cesse de chercher à porter atteinte à l'honneur des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum. Et leur objectif à travers cela n'est que de porter atteinte à la religion. Car les compagnons, ce sont eux qui ont transmis cette religion. À partir du moment où on ne les respecte plus, on ne les révère plus alors, on ne respecte plus, on ne révère plus ceux qui nous ont transmis cette religion. Donc, si on remet en question leur intégrité, on va remettre en question l'ensemble de la religion, al-ayadu billah. Donc prenez garde à toute personne que vous entendez ou que vous lisez mentionner en mal un des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme l'ont dit nos savants, il ne fait aucun doute que celui qui mentionne les compagnons en mal est un homme mauvais. Et c'est le moins que l'on puisse dire à son sujet. Le troisième bénéfice que l'on tire de ce hadith est le blâme de ceux qui se sont opposés à la voie des prophètes et des messagers alayhim salatu wassalam, qui ont été qualifiés de mauvais successeurs. Et leur mal, et ce qui les a rendus mauvais, et leur opposition à la voie des messagers alayhim salatu wassalam. Ils n'ont pas suivi leur voie, ils ont transgressé leurs interdits, ne se sont pas soumis à leurs ordres et ont instauré de choses nouvelles en religion. Donc il y a en cela une mise en garde et un avertissement contre le fait de s'opposer à la sunna. Sache que si tu ne te cramponnes pas fermement à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que tu t'opposes à sa sunna, que tu contredis sa sunna, alors tu es un mauvais successeur pour ton messager sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu veux être un bon successeur et être digne du suivi du meilleur des hommes, alors tu te dois de t'attacher fermement à sa sunna, en étant convaincu que sa sunna est la meilleure des voies à suivre et le seul chemin menant à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et à son paradis. Le quatrième bénéfice que l'on tire de ce hadith est le blâme de ceux dont les paroles ne sont pas en adéquation avec les actes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « Ya ayyuha alladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. » Ô vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ?« Kabura maqtan indallah, an taqulu ma la taf'alun. » C'est une chose grandement détestée auprès d'Allah que vous dites ce que vous ne faites pas. Le croyant doit prendre garde à cela. Ne pas être de ceux dont la langue parle beaucoup, alors que ses agissements sont peu nombreux. Ne pas prétendre une chose qui est contraire à ce qu'il est vraiment. Ne pas faire devancer sa langue tout en laissant ses agissements en retrait, c'est-à-dire parler de certaines choses, puis, en réalité, ne pas les mettre en pratique. Mais le croyant, il doit veiller à ce que l'ensemble de ses membres soit en adéquation. Ce qui se trouve comme foi dans son cœur se traduit par de belles paroles et de bonnes actions. Tout ce qu'il dit est en accord avec ce qu'il fait, et cela est en accord avec ce qui se trouve comme foi dans son cœur, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux qui agissent ainsi. Cinquièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith le blâme des innovations et des choses nouvelles en religion, qui ne sont autres que la mise en pratique de choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ordonnées sur la langue de ses prophètes et de ses messagers alayhim salatu wassalam. Tu dois avoir la certitude que notre religion est complète. Il n'y a rien à y ajouter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis cette religion de la meilleure manière. Les compagnons radiyallahu anhum l'ont apprise de lui, puis ils l'ont transmise à ceux venus après eux et ainsi de suite. Et cette religion est préservée, et il y aura toujours un groupe triomphant sur la vérité jusqu'à la venue de l'heure. Donc, il n'est pas nécessaire d'ajouter une chose à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a complété. « Al-yawma akmaltu lakum dinakum. » Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Elle est complète. Allah subhanahu wa ta'ala l'a complétée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a transmise de la meilleure manière. Et quiconque prétendrait qu'il y aurait en islam de bonnes innovations, alors c'est comme s'il prétendait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message qui lui a été confié. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre qu'il a complété la religion. Il n'y a donc rien à y ajouter. Donc si tu prétends qu'il y a une chose qui est nouvelle et qui est bonne, c'est comme si tu disais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'avait pas transmise. Car Allah a complété la religion. Et certes le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith rapporté par Aïcha radiyallahu anha, Celui qui fait une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors celle-ci sera rejetée. Et toute chose mise en pratique parmi les choses nouvelles en religion n'est pas acceptée de son auteur. Ensuite, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a l'éloge et le mérite des suiveurs des prophètes et des messagers alayhim salat wa salam, ceux qui restent fermes sur la sunnah, ceux qui s'attachent fermement au suivi des commandements du messager sallallahu alayhi wa sallam, car ce sont de bons successeurs en raison de leur attachement à cette voie, de leur patience et leur endurance dans le suivi de cette voie et sa mise en pratique, et de leur lutte contre ceux qui s'opposent à la voie de leur prophète alayhim salat wa salam. Septièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith les différents degrés de la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont également les degrés du commandement du bien et de l'interdiction du mal. Et chacun accomplit cela en fonction de ses capacités. Celui qui peut lutter sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire cesser le mal par sa main, alors il accomplit cette obligation. Et ceci revient d'un point de vue général aux détenteurs de l'autorité et à ceux à qui ils ont confié cette tâche. Ou toute personne ayant autorité sur une autre, il mettra fin au mal par la force. Celui qui n'est pas capable d'accomplir cela, qui n'en a pas les capacités, qui n'a pas l'autorité, alors qu'est-ce qui lui incombe, s'il a la science, de proclamer haut et fort la parole de vérité, d'appeler à la vérité avec sa langue, de commander le bien, d'interdire le mal. C'est cela qui lui incombe. Et celui qui n'en est pas capable, alors le minimum est qu'il lutte sur le sentier d'Allah et réprouve le faux et le blâmable du fond de son cœur. Et ceci est le minimum exigé par la foi. Car le fait de ne pas réprouver le mal par son cœur ou d'être en accord avec les transgressions est une chose qui s'oppose à la foi. Il fait donc partie des signes de faiblesse ou d'absence de la foi que la personne ne réprouve pas le mal dans son cœur. Car ceci est le minimum exigé par la foi, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Après cela, il n'y a pas un grain de moutarde de foi. C'est-à-dire que tout ce qui vient après cela est contraire et s'oppose à la foi. Enfin, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a le fait que la foi augmente et diminue, et que la foi des serviteurs n'est pas pour tous de même degré. Il y a parmi les croyants celui à la foi forte, celui à la foi moyenne et celui à la foi faible. Et ceci fait partie de la croyance des gens de la sunna, qui ont pour conviction que la foi augmente et diminue. Elle augmente par l'obéissance à Allah, par les bonnes actions, par la soumission à ses ordres, par la multiplication des œuvres de bien. Et elle diminue par la désobéissance à Allah, par les péchés et les mauvaises actions, par le suivi de la voie du diable, par le suivi des innovations, par le suivi des passions et des désirs interdits, et ainsi de suite. Tout ceci fait diminuer la foi. Et parmi ceux qui nous démontrent cela dans ce hadith, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y a, après cela, pas un grain de moutarde de foi. Ceci nous indique que la foi diminue, et que la foi des serviteurs est de différents degrés et différents niveaux. Et le croyant véridique doit prêter une grande attention à cela, et faire des efforts pour préserver sa foi. Et dès qu'il observe chez lui une faiblesse, un manque de foi, une descente de sa foi, alors il s'empresse de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala en multipliant le bien et les bonnes actions afin de faire remonter sa foi. Bi'idhnillahi ta'ala. On a donc terminé avec ce hadith. Walhamdulillahi rabbil alamin.